Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Yong-nam, a envoyé le 1er août un message de félicitations au président béninois Patrice Talon à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le destinataire a souhaité de plus grands succès au président et au peuple béninois dans leurs affaires pour la stabilité et la prospérité du pays et le développement des relations d'amitié et de coopération traditionnelles de deux pays dans divers domaines.